À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Botsombo, commandée par le président Kim Il-sung, a commencé le pèlerinage national des jeunes étudiants aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du Mombektu. La cérémonie de départ a eu lieu le 3 juin devant les statues du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il dans la ville de Haesan de la province du Yangon, en présence du président du comité du parti pour la province, des cadres intéressés, des permanents de l'Union de la jeunesse et des pèlerins. Les participants ont déposé corbeilles et tiges de fleurs devant les statues avant de rendre hommage. À la suite du rapport et des interventions, les pèlerins se sont mis à la marche vers Botsombo, lieu historique.